Alors que vient de s'ouvrir la consultation nationale sur la bioéthique, qu'en est-il de l'éthique animale et notamment des questions liées à l'expérimentation? S'il semble impossible de se passer des essais sur les animaux, comment faire pour le moment pour en réduire au maximum la portée? Les big data ont indiscutablement modifié en profondeur la recherche, simple changement de méthode ou nouvelle approche de l'exploitation des données. Et enfin, le manuscrit de Voynich est-il sur le point de livrer ses secrets? Un cryptographe affirme avoir réussi à traduire une page de ce livre indéchiffrable depuis le 19e siècle. Expérimentation animale, mégadonnées et Voynich déchiffré, ce sont quelques-uns des sujets que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder frontalement, sans écart ni tremblement, ces sujets majeurs de l'actualité scientifique, notre parterre d'experts de l'expertise, de spécialistes de la spécialité, est aujourd'hui composé d'Olivier Lascar. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Bonjour Blaise Mao. Bonjour Nicolas. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika et nous allons être rejoints dans peu de temps par un autre rédacteur en chef, Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint de Pour la Science Que Voilà. Bonjour Loïc. Bonjour. Et dans ce flot de rédacteurs, de chefs et de rédacteurs en chef, eh bien elle au moins n'a pas besoin de titres ronflants pour affirmer sa maîtrise de l'actualité scientifique la plus inédite. C'est Zoé Sfez pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et l'on ouvre ce journal sur un débat assez violent qui a agité depuis quelques jours les paléo-anthropologues à propos de Toumaï, vieux de 7 millions d'années. Toumaï a été découvert par le français Michel Brunet. Il est considéré comme le plus ancien représentant de l'humanité sur la base de l'étude de son crâne. Oui, mais voilà Zoé, il existerait aussi un fémur qui, lui, n'a jamais été étudié. Et oui, alors pour comprendre cette affaire et le très très vif débat, pour ne pas dire plus qu'elle suscite depuis le début de la semaine et même un peu avant, il faut en revenir aux faits. En 2002, Michel Brunet et son équipe de l'université de Poitiers publient dans la revue Nature la découverte du crâne de Toumaï, dont le nom scientifique est Sahelanthropus tchadensis, qui est issu de fouilles menées au Tchad. Découvert crâne, donc découvert en 2001. La position du trou où s'encastre la colonne vertébrale suggère, pour le chercheur français, que cet individu était probablement bipède, ce qui en fait le plus ancien ancêtre connu des humains. Alors dans cette publication et dans toutes les suivantes, puisqu'il y en a eu plusieurs qui réactualisaient cette découverte, Michel Brunet défend cette thèse qui a été parfois remise en cause mais qui est une thèse assez crédible. Et tous ces articles reposent essentiellement sur l'étude de ce crâne de Toumaï et ne mentionnent l'existence d'aucun autre reste, ce qu'on appelle post-crânial, c'est-à-dire en dessous du crâne. Pourtant, on a bien aussi retrouvé le fémur de Toumaï, qui pourrait permettre de trancher la question cruciale de la bipédie. C'est en tout cas ce qu'affirme aujourd'hui Roberto Macchiarelli dans un article publié toujours dans la revue Nature. Cet anthropologue italien travaillait à l'université de Poitiers en 2002, au moment de la découverte du crâne de Toumaï, et bien qu'il n'ait jamais pris part à la mission du Tchad, il dit avoir entretenu pendant très longtemps des bons rapports avec Michel Brunet, jusqu'en février 2004. À cette date-là, toute l'équipe de Michel Brunet est au Tchad. Il y a une étudiante en DEA, Aude Bergeret, qui le sollicite. Elle a été autorisée à travailler sur plusieurs os, dont certains viennent du site de Toumaï, pour étudier le sédiment à l'époque. Et l'un d'eux lui paraît d'une importance capitale. C'est ainsi que tous les deux, ils identifient le fémur de Toumaï, me racontait-il hier par téléphone. Aude Bergeret et moi, nous avons ensemble, en quelque sorte, identifié un spécimen qui jusque-là était non identifié. La mission ne l'a pas identifié en tant que fémur. Et c'était bien un morceau plutôt important, 25 cm, c'est pas dérisoire, de fémur, un fémur gauche qui sans aucun doute et pertinent a été raconté le même jour à quelques dizaines de centimètres, je l'ai appris après, de distance de Toumaï, mais jusque-là n'avait pas été identifié en tant qu'associé à ce crâne. ce fémur est capital parce qu'il nous raconte la vraie histoire profonde du comportement locomoteur de Toumaï, c'est-à-dire le statut hominine ou pas de Toumaï. Je dois dire que jusque-là, ils avaient dit et écrit partout, non, il n'y a aucun spécimen postcranial, fémoral, peu importe, au-delà du crâne, dedans et de la mandibule. Ils ont écrit ça et confirmé ça même après cette découverte faite par Aude Bergeret, par moi. Ils savaient parfaitement, ils se sont vraiment irrités de cette découverte, ils l'ont ignorée. Et en 2005, quand ils ont mis à jour la liste de restes pertinents Toumaï, encore une fois, aucun mot sur le reste postcranial. Ce que je n'hésite pas à définir une fraude intellectuelle. Voilà, on entend bien la gravité de cette accusation portée par Roberto Macchiarelli. Zoé, dans l'article qu'il a publié, il demande que ce fémur puisse être étudié pour que l'on puisse enfin affirmer ou infirmer la thèse de la bipédie de Toumaï. Et vous avez réussi à contacter Michel Brunet, Zoé. Oui, puisque depuis son identification donc par Roberto Macchiarelli, en tout cas c'est ce qu'il raconte, impossible de revoir ce fémur. Michel Brunet n'a jamais rien publié dessus, en tout cas rien en 15 ans. Roberto Macchiarelli qui affirme que cette identification surprise lui a valu l'inimité soudaine de Michel Brunet, qu'il n'a plus salué. Et à Aude Bergeret, cette jeune étudiante, une placardisation qui l'a menée finalement à abandonner la recherche. La question est donc cruciale, c'est Michel Brunet, aujourd'hui professeur au Collège de France, très fêté en France et au Tchad, nie-t-il l'existence de ce fémur? Et s'il ne la nie pas, l'a-t-il volontairement laissé de côté dans la crainte que son étude mette à mal sa thèse? Il a accepté ce matin de répondre à mes questions. Est-ce qu'il y a un fémur? Oui, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. En science, on mentionne ce que l'on publie. Ce que l'on ne publie pas, on le mentionne dans la publication d'après. Première chose. En paléontologie, pour dire que deux os, 3, 4, 5, appartiennent au même individu, c'est logique, il faut les trouver en connexion anatomique. Le fémur n'a pas forcément été trouvé en connexion anatomique avec le crâne. Le fémur, il était en connexion avec le tibia ou avec le bassin. On n'a pas de bassin, on n'a pas de tibia. Donc, scientifiquement parlant, on ne peut pas écrire qu'il s'agit du fémur de Toumaï. Le fémur, c'est un élément important, mais le fémur en question, les deux épiphyses, c'est-à-dire les deux bouts du fémur, ces épiphyses sont les plus informatives chez l'homme. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas conservés là, avec cette pièce. Que faire? Vous savez ce qu'on a fait? On a fait du terrain, on a simplement essayé de trouver quelque chose qui apporte plus d'informations. La pièce qui est là, elle est informative, mais il manque des choses essentielles. Il est prévu de publier le fémur, ça viendra en son temps, et je ne reconnais à personne, le droit de me dicter le moment. Le crâne de Toumaï, le crâne, c'est un crâne de bipède. Alors, imaginons, on a le fémur, on l'étudie, on trouve qu'il est bipède. Bon, ça confirme ce qu'on pensait sur le crâne. Seconde hypothèse, on l'étudie et on montre qu'il n'est pas bipède. Mais à l'heure actuelle, personne ne le sait, à part moi. Imaginons, on dit qu'il n'est pas bipède. Vous savez ce que ça voudrait dire? Simplement, ce fémur n'appartient pas au crâne de Toumaï. Voilà la réaction de Michel Brunet, hein, réaction en exclusivité pour la méthode scientifique. On va poursuivre ce journal des sciences et puis on va revenir sur cette information qui est quand même une information de taille tout à l'heure avec nos trois journalistes du vendredi. Toujours, on reste en paléontologie. Zoé, une autre information importante, elle aussi, hein, Homo sapiens serait sorti d'Afrique il y a près de 200 000 ans, enfin plus tôt en tout cas que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Exactement, une mâchoire découverte dans la grotte de Mislia en Israël serait le plus ancien fossile de modèle moderne jamais découvert hors d'Afrique. Elle suggère surtout qu'Homo sapiens a quitté l'Afrique et est arrivé au Proche-Orient entre 177 000 ans et 194 000 ans, soit 60 000 ans plus tôt que ne le montraient jusqu'alors les fossiles retrouvés. Les vestiges qui ont été retrouvés aux côtés de ces fossiles révèlent que les occupants de cette grotte chassaient le grand gibier, comme les aurochs, les daims persans ou les gazelles, qu'ils contrôlaient l'utilisation du feu dans les foyers. Ils utilisaient aussi largement les plantes et des techniques très innovantes pour tailler la pierre qui sont assez similaires à celles associées aux premiers humains modernes d'Afrique. Deux singes ont été clonés en Chine avec la même technique de clonage que celle qui a été utilisée pour la brebis Dolly. Chongqing et Huahua ne sont pas les premiers primates qui ont été clonés dans l'histoire, loin de là, mais ce sont les premiers issus de cette technique de clonage complexe qui n'avait jusqu'ici jamais montré de résultats sur des singes. Il s'agit d'un transfert nucléaire de cellules somatiques qui consiste à prélever le noyau d'une cellule avec son ADN. Dévoilée mercredi dans la revue Cell, cette réussite est assez prometteuse pour la recherche parce qu'elle pourrait permettre au laboratoire de travailler sur des populations de primates génétiquement uniformes. Mais évidemment, bien sûr, elle relance le débat sur le clonage des humains. Et puis, jeu de chaise musicale à la tête des grandes institutions scientifique française. Antoine Petit a officiellement été nommé à la présidence du CNRS. C'est François Sillon qui va le remplacer à l'INRIA. On en avait parlé, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat ont donc confirmé le choix d'Emmanuel Macron de nommer le mathématicien, mais surtout informaticien Antoine Petit à la présidence du CNRS. Il était jusqu'ici donc le PDG de l'INRIA et c'est donc François Sillon, qui était directeur scientifique de l'Institut, qui va assurer l'intérim. Deuxième sujet de ce journal des sciences, la première grande étude génétique en France sur le lynx a été lancée dans le Jura. C'est le centre Athénas de l'Étoile dans le Jura, spécialisé dans la sauvegarde du lynx boréal, qui est à l'origine de cette étude qui fournira pendant 5 ans une cinquantaine d'échantillons. Le but est de mieux connaître l'état de la seule et unique population de lynx qui est aujourd'hui présente en France. Car je le rappelle, le lynx boréal autochtone a disparu à la fin du 19e siècle. Une tentative de réintroduction a eu lieu dans les Vosges dans les années 80. Elle a échoué à cause notamment du braconnage. Reste aujourd'hui donc cette seule et unique population jurassienne, comme l'explique le directeur du centre Athénas, Gilles Moine. Alors le lynx est présent en France depuis presque 40 ans. Il est réapparu dans le Jura français à la suite de réintroduction en Suisse. Et depuis maintenant donc 39 ans, il a colonisé à peu près l'ensemble du massif. Donc on se retrouve avec un seul noyau de population en France qui est vraiment cantonné sur l'arc jurassien. Mais depuis, disons, une dizaine d'années, sa population stagne. On a constaté des séquences de surmortalité d'adultes. Ce qui est à l'origine de cette idée, de cette interrogation, c'est que la population suisse, qui est à l'origine de la population française, a à son départ très peu d'individus fondateurs. Donc on a, un réservoir de gènes peu important au départ. L'intérêt est de savoir s'il y a eu une rediversification génétique, ça peut arriver, donc qui peut permettre de savoir quelle est sa capacité de résister à la pression environnementale. L'autre chose qu'on peut arriver à savoir, c'est quel est l'apparentement entre les individus. Et enfin, le troisième point qu'il est intéressant de connaître, c'est la distance génétique de la sous-espèce avec d'autres. En bref, un petit raté pour Ariane 5. Les deux satellites qui ont été mis en orbite ont bien été mis en orbite, mais pas au bon endroit. Et oui, c'était le premier lancement de l'année. Hier, ils devaient mettre en orbite donc ces deux satellites de télécommunication pour les opérateurs luxembourgeois et arabes. Et très vite, le directeur d'Ariane Space a signalé une anomalie. Si par la suite, les deux satellites ont été confirmés, séparés, acquis et mis en orbite, eh bien, ils n'ont pas été séparés au bon endroit. Ils n'auraient pas, en tout cas, à l'endroit où ils auraient dû être. Ariane Space qui espère toutefois un futur repositionnement des satellites au bon endroit grâce à leur système de propulsion. Et pour finir, comme chaque semaine, par la rubrique de Science Improbable, estimez-vous heureux, vous avez échappé à la quantité d'urine présente dans une piscine olympique. Et, oui. Et non, à la place, nous allons vous parler de Windows, qui n'est pas loin, Zoé, d'être contrôlé par la pensée. Oui, alors l'informatique est sur le point de devenir télépathe. Est-ce que c'est si improbable que ça? En tout cas, on avait plus envie de parler de ça que de l'urine dans les piscines. Sachez que Windows vient de déposer un brevet pour un système de contrôle de Windows basé sur le décodage des ondes cérébrales qui viendrait compléter ce qui existe déjà par la commande vocale et par la gestuelle. Alors le principe, rassurez-vous, c'est pas de développer un système de commande cérébrale pour contrôler des fonctions en pensant précisément à une action, genre il faut absolument que je pense très fort à envoyer un mail à Nicolas Martin pour lui dire des choses et puis finalement Microsoft le fait. Non, Microsoft envisage quelque chose de beaucoup plus naturel qui repose sur la détection de l'intention de l'utilisateur quand il se trouve dans un contexte donné. Évidemment, il n'est pas précisé quelle méthode serait employée pour recueillir les données neurologiques, mais il est fait référence à l'électroencéphalographie, à la magnétoencéphalographie, à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, le tout probablement grâce à un casque. Voilà, bientôt une petite IRM Blaise Mao à la maison pour contrôler son office et pour écrire directement par la pensée. Oui, ça promet. On s'arrête plus là. C'est quoi la prochaine étape? Non, mais c'est un effet d'annonce ou vous pensez qu'il y a des bases technologiques solides derrière? Non. Alors Microsoft, c'est quand même sur l'IA, c'est quand même des très très gros acteurs. Avec Facebook et Google, c'est quand même le troisième plus important. Donc je pense que c'est sérieux. Après, la politique maintenant des GAFA, des GAFAM, elle est d'être beaucoup plus transparent sur la communication, sur leur recherche. Ils essaient d'annoncer, même quand on est à l'étape 1 d'un projet, même si la faisabilité est à une échelle de 5, 10, voire 50 ans, ils communiquent dessus, ils veulent que ça soit repris. C'est aussi ça fait partie d'un processus de communication assez récent, assez nouveau. Loïc, Windows par télépathie. Non, je voulais juste rebondir sur ce qui venait d'être dit. Et en même temps, je vais un peu anticiper sur le contenu du dossier Big Data. Mais effectivement, les GAFAM ont un peu compris, ont senti le vent du boulet près de leurs oreilles. L'opinion publique est plus prête à les laisser faire n'importe quoi et à leur faire confiance, à leur faire une confiance aveugle. Ils veulent savoir un peu plus. Et donc, du coup, ça contraint ces GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, on en parlait, à communiquer, à être plus transparent, en fait. Quoi. Mais est-ce que c'est être plus transparent ou est-ce que c'est au contraire annoncer, dire attention, on arrive, on est vraiment au point de la technologie, quitte à ce que ce soit effectivement, comme vient de le dire Blaise Mao, du vent, quitte à ce que ce soit un projet qui n'en soit qu'à l'étape 1 et qui ne soit pas développé ou accessible avant au moins 10 ou 15 ans. Est-ce que ça a beaucoup de sens, cette communication à outrance, Olivier? Bon, on voit bien aujourd'hui que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle folie. Il y a une vingtaine d'années, on voyait tous les projets être ramenés à la question des nanotechnologies pour avoir des crédits. Aujourd'hui, tout est intelligence artificielle. Donc, il faut se méfier des excès de communication. Bon, là, on peut se demander quel sera l'équivalent télépathique d'un plantage Windows. Ce qui m'intrigue le plus dans cette histoire. Bonne question, une petite sieste. Revenons peut-être sur ce sujet important. Hein. On voit qu'on a entendu sur l'affaire Toumaï qui agite la paléontologie. Une réaction à ce fémur qui a disparu et à la réaction de Michel Brunet que vous avez entendu tout à l'heure, Olivier. Alors c'est une affaire énorme. C'est important. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une affaire qui dépasse le cas de Toumaï et de Michel Brunet. On a entendu, bravo à Zoé d'avoir obtenu le témoignage de Michel Brunet, qu'on a aussi sur le site de Science et Avenir, je le glisse comme ça. Bien sûr. Mais on pourra juger, chacun pourra juger ce qu'il a entendu. En tout cas, si Toumaï n'est pas bipède, c'est un jeu de dominos qui s'effondre les uns après les autres. Parce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Toumaï est officiellement reconnu comme étant le premier représentant de l'humanité, le premier des préhumains, parce qu'il est bipède. S'il n'est pas bipède, il perd ce titre au profit d'un compétiteur qui est déjà connu, puisque la Française Brigitte Senu avec Martin Pickford ont découvert au Kenya un fossile qui a été baptisé Aurorine et qui, lui, a 6 millions d'années. À 6 millions d'années, il devient le nouveau grand-père de l'humanité. Ça remet aussi en selle, peut-être, la théorie de Coppens sur l'East Side Story. Donc, on voit bien que c'est un phénomène en chaîne. Donc, c'est une affaire énorme et qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Brunet dit qu'il va publier enfin cette étude sur le fémur qui est restée 15 ans au frigo. On l'attend avec impatience. Il faut rappeler que le scientifique que vous avez également... Roberto Marcalli. Oui, de l'Université de Poitiers, voulait faire une communication à la Société savante d'anthropologie de Paris, que ça lui a été refusé. Alors en fait, ça c'est l'hôtesse. Si cet article se retrouve cette semaine dans Nature, c'est parce que il y avait tout un colloque qui était prévu juste là en début d'année à l'Université de Poitiers, donc celle de Michel Brunet et celle de Roberto Marcalli, et que lui, donc cet anthropologue qui veut reposer ce sujet sur la table depuis longtemps, a proposé à cette société d'anthropologie de Paris, dont il est membre et où dont il a dirigé la revue, etc., cet article pour en fait que ce problème soit posé au sein même de la profession. Et la société, avec laquelle notamment il entretient des très bons rapports, a refusé cet article. Donc, même s'il ne le dit pas frontalement, il s'offense aussi, il accuse un petit peu la profession d'avoir couvert Michel Brunet si effectivement il avait écarté ce fémur. En tout cas, c'est une problématique un peu gênante et c'est Nature qui lui a écrit, dit-il, pour récupérer ce papier en connaissant l'existence. Et de ce fait, entre-temps, ce colloque a eu lieu et vraisemblablement, la plupart des anthropologues n'ont visiblement parlé que de ça. Et c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelles vont être les conséquences. Parce que Michel Brunet, en tout cas, se réserve toujours le droit de publier, on l'a entendu, au moment où il le veut. Alors la vraie question, c'est est-ce que ses collègues, ses confrères, vont vouloir attendre cette publication, si elle arrive un jour, pour en tout cas recommencer à réévaluer ou travailler. Parce qu'on voit bien que cette volonté de taire l'affaire, ça va faire tache d'huile, c'est-à-dire que ça va atteindre l'image de toute une communauté au prétexte de vouloir préserver l'un de ses mandarins. Et puis on sait alors plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais vos réactions aussi, Loïc Mangin, Blaise Mao, plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on sait qu'effectivement les traces paléontologiques sont, plus on remonte dans le temps, plus elles sont rares, donc cacher une trace paléontologique aussi loin dans le temps, effectivement, c'est une fraude scientifique, donc c'est de ça dont il est question. Et quand on entend la réaction de Michel Brunet tout à l'heure qu'a recueilli Zoé, Michel Brunet dit deux hypothèses, soit le fémur confirme que Toumaï est bipède et mon hypothèse est validée, soit le fémur est un fémur de quadrupède et ça veut dire qu'il n'appartient pas à Toumaï. Donc ça veut dire que soit j'ai raison, soit j'ai raison. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Loïc ? Bah donc il a raison. Non, c'est vraiment très étrange. Ouais. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais malgré tout, cacher un fémur pendant 14 ans, ça me paraît assez fort. Pourquoi on s'est pas interrogé dessus, parce qu'on a des photos du squelette au moment de sa trouvaille. On voit, à nouveau, je suis pas un spécialiste de l'affaire, mais voilà. Donc il y avait pas que le fémur, il y avait quelques os par ailleurs. Pourquoi on s'est pas interrogé dessus? Ensuite, donc, remettre en cause le statut d'arrière-grand-père de l'humanité. On est à 7 millions d'années d'après Coppens. La séparation, elle est plutôt à 10 millions d'années. Donc, je sais pas si c'est l'arrière-grand-père, mais on n'est pas vraiment à la fourche encore. Donc, il y a plein de questions. C'est effectivement captivant et passionnant. On va suivre ça très près. Mais on peut pas trancher encore, ni dans un sens, ni dans l'autre. Zoé, Olivier ou Blaise ? Bah écoutez, moi j'ai beau explorer plus souvent le futur que le passé, j'ai eu quand même l'impression que la défense de M. Brunet était effectivement un peu trop sur la défensive et pas très convaincante. Olivier, un dernier mot ? Je crois que c'est bien que Brunet s'exprime de façon moins lapidaire et laconique qu'il l'a fait depuis 48 heures, hein, depuis que l'affaire a démarré. Il l'a d'abord ramené au rang de simple polémique journalistique, mais on voit qu'il s'agit de quelque chose d'une ampleur bien différente. Zoé, pour conclure. Un petit mot, juste, lui, la thèse de Brunet, c'est de dire « je ne l'ai pas caché ». Et lui s'appuie, c'est tout paradoxal, sur l'éthique de son métier en disant « mais, entre nous scientifiques, on ne dévoile pas de photos, d'os, ou on ne mentionne pas des restes sur lesquels vont s'appuyer de futures publications et de futures thèses. Et donc, je suis dans mon bon droit. C'est même les journalistes qui ont sorti ces photos des fouilles, puisqu'il y avait eu donc des photos prises par des amateurs et pas par sa propre équipe, qui, eux, violent l'éthique scientifique en publiant ces photos et en mentionnant ce fémur, alors que moi, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ça relance aussi ces questions-là. C'est une vraie question. Est-ce que, si lui considérait, mettons qu'il ait raison, abordons cette hypothèse, si lui considérait qu'il avait d'autres choses à apporter sur ce fémur, est-ce qu'il fallait ou pas qu'il les mentionne dans l'hypodigme, c'est-à-dire les restes considérés comme pertinents pour Toumaï? Ça aussi, c'est des questions que peut-être la profession va devoir retravailler en paléontologie, dans cette discipline qui est si particulière à ces moments-là. Merci beaucoup Zoé Sfez, on vous retrouve la semaine prochaine, et puis on suivra évidemment avec attention ce feuilleton, cette polémique autour de Toumaï et des origines de notre espèce. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et voilà, on parle, il est 16h23 et il faut tout de même faire notre tour de table du vendredi sur les trois grands sujets que nous avons abordés au cours du temps qui nous reste, l'expérimentation animale, les mégadonnées et le manuscrit de Voynich. Alors on va commencer par l'expérimentation animale, puisque à l'heure des états généraux de la bioéthique, eh bien, nous nous intéressons aujourd'hui à cette question de l'éthique animale, hein, puisque depuis le 6 novembre dernier, et la publication d'une vidéo de l'association Animal Testing qui montrait des expériences sur des rats de laboratoire apparemment peu ménagé, c'est un euphémisme, par les expérimentateurs, le débat sur l'expérimentation animale a été relancé avec d'une part des défenseurs de la cause animale qui estiment qu'il est envisageable de se dispenser complètement des animaux de laboratoire et d'autre part des scientifiques qui estiment que s'il faut bien sûr encadrer le mieux possible ces essais, ils sont strictement indispensables à la recherche. Alors entre le marteau et l'enclume, comment prendre en considération les notions de souffrance, de captivité, de mauvais traitement tout en n'entravant pas le cours de la recherche? C'est le dilemme insoluble que vous nous proposez pourtant, Blaise Mao, de résoudre. Bon courage, parce que c'est un débat complexe et c'est un débat enflammé. Ben vous avez bien présenté les enjeux. Nous, on voulait poser la question de demain, dans 10, dans 20 ans, est-ce que c'est la perspective de la fin de l'expérimentation animale, elle est vraiment envisageable ou pas et crédible scientifiquement? Parce que, effectivement, les opposants souligne que on ne peut pas en fait utiliser des modèles biologiques, notamment des animaux, des mammifères, qui sont trop différents de nous pour pouvoir être jugés efficaces. 9 sur 10 ne sont pas concluants. Donc en fait, il y a deux alternatives aujourd'hui crédibles et vers lesquelles poussent les militants de la cause animale, qui sont une alternative informatique, de modélisation informatique. In silico. Voilà, in silico. Et une version in vitro qui consisterait à faire pousser des mini-organes, des organoïdes, dans des laboratoires. On sait le faire avec des foies, on sait le faire avec de la rétine, on sait le faire avec de l'estomac. Des chercheurs luxembourgeois ont réussi à le faire en avril 2017. Ils ont fait une annonce l'année dernière sur un mini-cerveau qu'ils ont réussi à mettre au point pour identifier justement des lésions liées à la maladie de Parkinson. Donc c'est très utile. Le problème de ces alternatives, c'est qu'elles ne font pas système. On parle de petits organes de toutes petites échelles. Or, on a besoin parfois d'avoir un système vivant. On a besoin de vascularisation pour pouvoir, dans pas mal de domaines, avoir des résultats qui sont probants. C'est ce que nous disait Yvan Balançard du CNRS, qui donc travaille au bureau éthique et modèles animaux. Il nous disait une peau artificielle ne pourra jamais prendre en compte l'apparition d'un mélanome, par exemple. Donc il y a une vraie limite, c'est très utile. Donc en fait, on va vers quoi? On va vers un complément entre ces trois modèles, donc le in vivo, les animaux, le in vitro, les organes artificiels pour des usages bien précis, et le in silico, donc là on parle de modélisation informatique, et là aussi les résultats sont très très prometteurs. Avant de passer au in silico, peut-être un mot sur ce in vitro, parce qu'effectivement aujourd'hui imprimer via la bioimpression des tissus simples, on sait à peu près faire, tant qu'on est dans un seul type de cellule. On commence tout juste, on est au balbutiement de la création in vitro d'organes un peu plus complexes. On sait que on a réussi à assembler un épithélium intestinal, vous l'avez dit, un mini-cerveau. Est-ce que cette voie de la bio-impression complexe, c'est une voie aujourd'hui qui est prometteuse, dans laquelle il y a des investissements, dans laquelle on sent que les progrès vont suffisamment rapidement pour aboutir précisément à éventuellement du complémentaire ou du remplacement de l'expérimentation animale? Elle est extrêmement extrêmement prometteuse et nous on a été assez agréablement surpris en fait par le degré d'enthousiasme, d'optimisme de chercheurs qui sont pourtant pas forcément dans ce domaine-là, qui travaillent plutôt sur du in silico ou sur de l'expérimentation justement animale et qui disent oui, c'est une vraie voie d'avenir. Et à terme, on peut aller vers effectivement l'impression d'organes de grande échelle. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir, là on parle de toutes petites échelles, en fait de le mini cerveau artificiel luxembourgeois, c'est une partie d'un cerveau qu'ils ont réussi à reconstituer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va arriver à faire des organes de grande ampleur. Est-ce qu'à ce moment-là, va pas se poser la même question qu'il y a aujourd'hui sur les animaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pas réclamer un espèce de statut de sensibilité ou de vivant à un cerveau artificiel, totalement artificiel, qui aurait été cultivé en laboratoire. Ça, c'est une vraie question aussi. Et puis, l'autre question qui se pose, que vous abordiez un peu, c'est que sur ces organoïdes créés en laboratoire in vitro, effectivement, ce sont des espèces d'organes parfaits dans lesquels il n'y a pas d'accident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être surpris par la recherche sur du vivant, ce qui est souvent en biologie le cas. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on attend un effet et on trouve un autre effet et on déclenche, et de proche en proche, on arrive à des observations qui ne sont pas forcément celles qu'on souhaite faire au départ, mais qui en tout cas nourrissent la recherche biomédicale. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, donc qui consiste à aller chercher quelque chose et puis en fait à trouver autre chose au fur et à mesure de ces expérimentations. C'est un petit peu comme Christophe Colomb quand il voulait partir aux Indes et qu'il a découvert l'Amérique. C'est comme ça que par exemple Horace Wells a découvert en 1844 le premier anesthésiant à base de protoxyde d'azote. C'était en jouant en fait avec du gaz hilarant. Un exemple un peu connu et un peu croustillant comme ça de découverte scientifique liée à une expérimentation qui n'avait pas cette visée-là. Ça, on peut pas le faire avec du laboratoire, enfin avec du in vitro en laboratoire sur une toute petite échelle. Ça on perd complètement cette aléa, en fait, cette possibilité d'un aléa sur le réel. Alors l'autre modèle du futur, l'autre modèle dans lequel aussi on place beaucoup d'espoir, c'est le in silico pur et dur, puisque le Congrès américain a même encouragé l'année dernière la Food and Drug Administration, la FDA, à développer des essais cliniques in silico, je cite, pour la création d'un modèle humain informatique capable de tester les médicaments dans l'ensemble de l'organisme, y compris les effets à long terme. Alors là, pour le coup, on a l'impression d'être un peu dans le registre de la science-fiction, mais finalement, pourquoi pas être capable de modéliser un corps humain de manière numérique et de pouvoir voir avec tel ou tel type d'intrant les effets macroscopiques, microscopiques, à différentes échelles sur l'ensemble d'un organisme. On rejoint un peu le big data dont va nous parler Loïc dans quelques instants. Absolument. En fait, ça, c'est donc un go officiel de la FDA, donc la Federal Drug Administration américaine, qui a dit il faut que on arrive à mettre en place donc ce modèle humain intégral. Il y a aussi un projet de Harvard qui est extrêmement sérieux et qui prône la modélisation d'un humain. Ils appellent ça 100% virtuel. L'idée, en fait, c'est d'arriver à modéliser, à faire des biosimulations informatiques. C'est ça le terme un petit peu officiel. Comment ça fonctionne? C'est des organes sur puce. C'est ça la formule, en fait. C'est très peu cher à fabriquer par rapport à de l'expérimentation animale. Là, les dispositifs sont évidemment très peu coûteux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler sur de très fortes variations dans la phase de test. Parce qu'on est dans de la simulation informatique, on peut régler en fait les curseurs, on peut régler les degrés à différents niveaux. Aujourd'hui, on sait faire déjà pas mal de choses avec ces biosimulations. On Par sait exemple, faire le métabolisme du glucose, on sait le biomodéliser, on sait faire aussi un modèle d'inflammation du foie, enfin de même plusieurs types d'inflammation du foie. Donc petit à petit, ça avance. C'est un peu plus prometteur, mais encore une fois, ça sera pas l'un ou l'autre. Enfin, tous les chercheurs qu'on a pu interroger sur le sujet quand même reconnaissent qu'on va aller vers ce cocktail de in vitro plus in vivo plus in silico. Parce qu'il n'y aura pas de remplacement total en fait de l'expérimentation animale qui reste indispensable pour la recherche fondamentale. Pour la recherche, oui, on peut avoir quelques chiffres. Alors, outre le fait de repréciser par exemple qu'en Europe, l'expérimentation animale pour les cosmétiques a été bannie, aujourd'hui les chiffres sont les suivants. Plus de 40% de l'expérimentation animale cherche à la recherche fondamentale, 30% à la recherche appliquée, 23% aux essais préclinique. Néanmoins, alors, si une forme de consensus, malgré le discours des défenseurs de la cause animale, en tout cas dans le monde scientifique, pour dire que effectivement, il semble difficile à court terme, on dit bien à court terme, de se dispenser totalement de l'expérimentation animale en laboratoire. Pourtant, le ministre néerlandais de l'Agriculture a proposé la suppression de l'expérimentation animale en 2025. Mmh. C'est donc que là, on est sur du relativement court terme. Il y a des gens qui pensent que c'est possible, qu'on peut y arriver. Oui, c'était une des deux actualités qu'on avait repérées qui nous avait donné envie de travailler sur ce sujet. Effectivement, le gouvernement néerlandais, dès 2016, s'est engagé à supprimer l'expérimentation animale dans tout ce qui est toxicologie. Donc là, En toxicologie, parce que là, c'est possible. Mmh. C'est-à-dire sur de l'alimentation, sur des équivalents pesticides, sur... En fait, ça, on peut travailler sur des alternatives in vitro, in silico, dans ce domaine-là. Sur la recherche fondamentale, ça n'est pas possible parce que la complexité du vivant nécessite d'avoir voilà des modèles biologiques. Mais l'objectif de 2025 reste très ambitieux et peut-être un vrai envoi historique envoyé à d'autres pays européens que peut-être la France suivra. Un mot pour dire qu'effectivement, on a fait, et je vous renvoie d'ailleurs aux émissions consacrées à ce premier forum l'année vue par les savoirs qui traitait de la question animale et dans laquelle il a été notamment question à plusieurs reprises hein, de la question des essais et des animaux de laboratoire. On arrive aujourd'hui, Olivier, Loïc, Blaise, on arrive dans un paradigme un peu étroit dans lequel on se rend compte effectivement que la recherche en éthologie nous dit que les animaux ressentent plus, sont plus sensibles, ressentent des émotions, sont beaucoup plus proches et en termes cognitifs et en termes affectifs de ce que l'on pense et de nous. Et en même temps, on voit bien que il est compliqué de se dispenser totalement de ces animaux de laboratoire, qu'on a besoin de cette recherche pour le moment, qu'on a du mal à s'en passer et qu'on est un peu coincé, comme je le disais, entre le marteau et l'enclume. Comment faire? Que faire? Quelle voie suivre, Olivier? C'est une question complexe. C'est une question complexe et il en sera, on peut le parier, abondamment question dans l'année qui vient en France. Notamment puisque Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique, pendant ses vœux à la presse en début de semaine, a dit que la cause animale serait un des grands dossiers qu'il voulait ouvrir cette année pour que, alors je le cite à peu près de mémoire, pour que vivent en harmonie enfin les hommes et les autres espèces vivantes. Donc on va parler beaucoup de ça. C'est effectivement la quadrature du cercle. On peut pas aujourd'hui se passer complètement des animaux pour quantité de raisons. On peut rapprocher ça d'ailleurs aussi d'une des actus du journal de Zoé à propos des macaques. L'une des raisons pour du clonage. L'une des raisons pour lesquelles les scientifiques expliquent qu'il est pertinent de cloner les macaques, c'est pas simplement pour la beauté du geste entre guillemets, mais c'est aussi parce que ça permet d'avoir des individus qui ont un patrimoine génétique identique. Et dans le cadre de tests cliniques de médicaments, ça permet de travailler sur un nombre d'individus plus restreint que ce qu'on le fait aujourd'hui sur des humains qui, eux, sont tous différents. Et donc, il faut des milliers de sujets pour voir quelles conséquences peut avoir la prise de tel ou tel autre médicament. Loïc, sur cette question de l'expérimentation animale, est-ce qu'on peut trouver un terme, un chemin qui nous permettrait de réduire en tout cas au maximum l'utilisation d'animaux en laboratoire? Je redonne quelques chiffres hein, sur près de 2 millions d'animaux utilisés pour la recherche en 2015. La moitié sont des souris. Est-ce qu'on peut réduire? On voit que ce chiffre reste stable hein, sur les dernières années. Il faut vraiment distinguer les domaines où ces animaux sont utilisés. Cosmétiques, c'est réglé. J'ai en tête la directive REACH qui vise à tester tous les produits artificiels fabriqués en Europe au-delà d'un certain tonnage, même si ça avait été l'objet d'un lobbying, mais au-delà d'un certain tonnage, tous les produits fabriqués en Europe sont obligés d'être testés. Et je crois que c'est l'association Antidote qui lutte pour que ces tests de produits chimiques soient faits non pas sur des animaux, mais sur des cultures cellulaires ou des choses comme ça, pour justement épargner tous ces animaux. Après, il y a le domaine des médicaments qui sera, à mon avis, le plus compliqué à régler. Évidemment, on est conscient des problèmes qu'un modèle de souris n'est pas forcément calcable sur le modèle humain, et donc quelque chose qui marche chez une souris ne marchera peut-être pas chez l'être humain. Mais là, c'est une question d'opinion publique, en fait. Est-ce qu'on est prêt à avaler un médicament qui n'aurait pas été testé avant chez des animaux? Je pense que c'est pas tout de suite encore. C'est vraiment une question de domaine, quoi. Un mot pour conclure, Blaise, sur ce sujet. On sait que il y a une directive hein, qui est la directive des 3 R qui est mise en place par l'Europe, c'est-à-dire, je crois, restreindre, raffiner et il me manque le 3e R, mais je vais vous le retrouver. Voilà, réduire, raffiner, remplacer pour limiter au maximum, et que cette expérimentation animale elle est encore très très encadrée. Pourtant, dans les statistiques, 10% de procédures sont recensées comme sévères, c'est-à-dire avec douleur, souffrance, stress intense, et 5% sans réveil. Peut-être qu'on peut agir sur cette fraction-là. C'est très important, mais encore une fois, et il faut le rappeler, et les chercheurs qui ont signé une pétition dans Libération fin novembre sur le sujet qui s'appelait « Assez de caricatures sur l'expérimentation animale » l'avaient rappelé. On a l'image du gavage de médicaments, de futurs médicaments à des animaux. C'est c'est pas là qu'on a le plus besoin de cobayes animaux. C'est vraiment pour la recherche fondamentale, c'est pas pour la recherche toxicologique. Donc en fait, dans les statistiques, on a une image qui s'est imposée à l'opinion publique du grand singe à qui on donne des On n'a plus le droit de tester sur les grands singes en Europe. Hein, évidemment, mais c'est encore avec ça qu'on notre imaginaire est encore là-dedans, en fait. Or, il faut déjà avoir en tête que c'est vraiment pour la recherche fondamentale que sur la toxicologie, on va arriver à faire des alternatives à plus ou moins long terme, et qu'après, c'est effectivement une question d'éthique. À quel moment, d'éthique et de politique, à quel moment on veut, pour une question de confort, refuser de sacrifier des êtres vivants ? Kill the Animal de Nina Hagen sur France Culture à 16h40. Nous allons continuer notre tour de table de l'actualité scientifique et de la recherche avec le deuxième sujet cette semaine, un sujet d'envergure, hein, puisque nous allons parler du big data, des méga données, sujet auquel vous consacrez un numéro hors série de Pour la Science, Loïc Mangin, pour tout comprendre à la révolution qui est en cours ou comment les méga données ont profondément transformé la façon de faire de la recherche au XXIe siècle. Oui, et surtout pour éviter de se faire submerger, parce que les métaphores classiques sont c'est un déluge, un raz-de-marée. Arrêt de données, qu'est-ce qu'on va en faire ? Même ça peut aussi concerner les statistiques. Enfin, en gros, on est noyé par les chiffres et les nombres et les données. Et comment s'en sortir ? Comment s'y retrouver ? Comment finalement surnager, flotter et comprendre de quoi il s'agit ? Donc c'est effectivement l'objet de ce dossier. Donc avec un pan plutôt statistique, comment déjouer les pièges des statistiques, et un pan big data, donc toutes ces données que nous-mêmes fournissons par exemple avec nos applications de santé, de sport, etc., nos traces sur Facebook et tous les réseaux sociaux et nos achats, et enfin on laisse des données partout. Et donc comment faire pour d'une part éventuellement être discret, voire même anonyme, et ensuite comment à partir de ces données-là pouvoir en tirer une sorte d'intelligence. Les guillemets s'imposent, mais c'est un peu ça. Donc comment traiter toutes ces données qui sont omniprésentes aujourd'hui et qui bouleversent tous les pans de notre société. Il y a effectivement deux pans, hein, mais quand on commence à regarder, c'est effectivement des chiffres vertigineux. La quantité de données produites quotidiennement est faramineuse, elle est exponentielle. Big data, c'est un terme qui a 10 ans déjà. En 10 ans, on a quasiment multiplié par 2, je crois, le nombre de données produites, si ce n'est plus. J'ai plus les chiffres en tête, mais vous allez me corriger. Et surtout, plus on avance et plus on va continuer à en produire. Hein. Toutes les voitures autonomes, tous les objets connectés, c'est des données, des teras, des flots, des hectaflops. Tous les préfixes y passent et après on découvre, du coup, on révise notre grec avec iota, zeta, enfin tout y passe. Je crois que l'image qui m'a un peu sidéré, c'est que entre 2003 et aujourd'hui, on a produit autant d'informations que toute l'humanité depuis qu'elle est née. Donc en une quinzaine d'années, on a produit autant d'informations qu'en 5000 ans. Quoi. Je crois qu'en 2 ans, on a produit plus d'informations. En 2 ans, c'est encore plus rapide que ça. Donc, ça ne fait que s'accélérer. La loi de Moore est complètement dépassée. C'est une espèce de parallèle de la loi de Moore en mode production de données. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on peut leur faire dire ? Qu'est-ce qu'on peut les... Comment les maîtriser ? Donc c'est effectivement l'objet de ce dossier. Donc ça passe par des algorithmes, ça passe par un certain cadre juridique pour encadrer ces algorithmes, pour ne pas les laisser faire à peu près n'importe quoi. Donc c'est effectivement tout ce dont parle ce numéro. C'est surtout que ça a surtout dans le domaine de la recherche permis d'avoir accès à un certain nombre d'éléments qui n'étaient plus accessibles à la simple portée du cerveau humain, tout brillant soit-il. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des domaines de la science où les mégadonnées ont complètement changé les approches. On peut parler du secteur biomédical, on peut parler de l'astrophysique, où aujourd'hui, vraiment, ce traitement massif de l'information et des données nous permet d'avoir accès à des degrés de connaissances qui étaient jusqu'alors devenus quasiment impossibles à l'être humain. On a effectivement un stock de données concernant, par exemple, les exoplanètes ou, par exemple, en imagerie médicale, on peut donner à une machine l'ensemble de ce qui a déjà été fait et découvert dans les décennies précédentes, nourrir un algorithme et à partir de là, l'utiliser pour, par exemple, face à une tomographie pour un patient chez qui on suppose un cancer, par exemple, confier l'image à un algorithme et le diagnostic qui va en sortir sera beaucoup plus précis, beaucoup plus pertinent que ce qu'un humain aurait pu faire. C'est une capacité de stockage. Aucun humain ne peut emmagasiner dans son cerveau tout ce qui a été fait en imagerie. Ça existe aussi dans le monde judiciaire, par exemple. Ça existe. Et donc, on en parlait dans le monde de l'astronomie. Dorénavant, on confie à des algorithmes nourris de données, de gigadonnées, le soin de découvrir des atmosphères d'exoplanètes, par exemple. Parce qu'ils savent maintenant comment faire. Ils connaissent les caractéristiques plus que nous, on ne peut le faire. Quoi. L'un des enjeux de la recherche et du développement des intelligences artificielles, c'est aussi aujourd'hui, puis on va demander son avis à Blaise Mao, qui est un spécialiste de la question, créer aujourd'hui des intelligences artificielles, des IA, des algorithmes qu'on n'a presque plus besoin d'éduquer. C'est-à-dire qu'on est dans du machine learning où on leur fournit des données et ils trouvent eux-mêmes des patterns, des schémas, et ils s'auto-entretiennent, ils auto-apprennent et en fait, on leur apprend à lire eux-mêmes et à sélectionner, à analyser seuls ces volumes de données. Ça reste encore très spécialisé comme tâche. Par exemple, c'est tout ce qui est effectivement reconnaissance d'images chez Google, où on va alimenter un algorithme avec des milliards et des milliards d'images. Et au final, il va réussir à distinguer un chat d'un chien ou des choses comme ça. Ça reste encore très monospécifique, mais effectivement, les prouesses sont là et ça reste très très spectaculaire. Blaise Mao, un mot sur aujourd'hui sur la façon dont ces mégadonnées ont vraiment changé une partie de la méthode, de l'approche, de la démarche scientifique. Ça aide en fait, ça fait un pré-tri. La question, c'est à quel moment, une fois qu'on a mis en place, par exemple, une technologie de machine learning qui apprend à apprendre et qui est capable d'apprendre de manière autonome, à quel moment elle est capable de faire une sélection des data les plus pertinentes? Ou alors, est-ce qu'il faut encore qu'il y ait un humain qui soit derrière pour trier? Parce que c'est un petit peu ironique d'être à ce point saturé de data si au final, il faut quand même qu'il y ait toujours un humain qui fasse la sélection. C'est vrai que dans pas mal de domaines, il y a encore toujours besoin, et c'est peut-être souhaitable, effectivement, notamment sur la question de la santé, d'avoir cette place de l'humain. Mais je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Après, pour aller dans le sens de ce que disait Loïc, prenons le cas de la voiture autonome. On est encore très très loin de la promesse d'une IA forte pour les voitures autonomes. Aujourd'hui, les tests qui sont faits aux États-Unis, la prise en compte d'un heat pool, la prise en compte d'une surexposition au soleil dans une vitre, c'est impossible. La lecture du marquage au sol, c'est très très compliqué quand il y a du soleil. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas encore, malgré la promesse de 2025, 2030, 2035, on ne va pas encore avoir des voitures totalement autonomes, sans assistance et sans prise de volant par un humain tout de suite. Olivier, sur la transformation dans la méthode scientifique et dans l'approche de la recherche dans un certain nombre de domaines de scientifiques. On voit effectivement une accélération de l'arrivée des résultats. À propos des exoplanètes, récemment, Google communiquait sur le fait qu'un de ses logiciels de deep learning venait de trouver de nouvelles exoplanètes. Il y a 20 ans, on n'avait jamais vu d'exoplanètes. Enfin, on n'en avait jamais trouvé. Maintenant, on en est à 2000 ou 3000. Oui, ça fait changer de méthode, mais là aussi, c'est intéressant ce que dit Blaise sur les limites de la voiture autonome. Yann Lequin disait récemment que finalement, on est à l'instant, au moment d'un pari a été fait sur l'intelligence artificielle par les industriels, et maintenant l'IA a 20 ans devant elle pour prouver qu'on a eu raison de faire ce pari. Mais si dans 20 ans, on n'a pas des résultats qui sont à l'image de ce qu'on imagine aujourd'hui, eh ben, l'intelligence artificielle connaîtra peut-être une nouvelle période de cryogénie comme elle l'a connue dans le passé. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Dernier sujet cette semaine, perdu pendant des siècles, passant sous le manteau d'une main à l'autre dans les ruelles obscures de ports malfamés aux rayons interdits de bibliothèques secrètes. Le manuscrit de Voynich serait-il en train de livrer enfin son secret presque millénaire? Un cryptographe, Antoine Casanova, que nous avions reçu ici même, prétend avoir réussi pour la première fois à déchiffrer une page de ce mystérieux manuscrit. Frère Olivier Lascar de Baskerville, vous nous dévoilez les secrets de cette opération démoniaque. Oui, c'est vrai que j'ai la même calvitie que Sean Connery. Effectivement, Antoine Casanova, qui est un cryptologue français, a réussi pour la première fois à casser un bout du code du Voynich. Le Voynich, c'est un manuscrit qui date du début du XVe siècle, qui a dormi pendant des centaines d'années dans des bibliothèques, comme vous le disiez, Nicolas, mais qui a une célébrité mondiale depuis qu'il est appelé le Voynich, c'est-à-dire depuis qu'un bibliophile américain d'origine polonaise qui s'appelait Wilfried Voynich l'a acheté dans une sorte de... On n'ose pas parler de vide-grenier parce que c'était un propriétaire privé qui vendait des vieux ouvrages pour financer une rénovation de son manoir. Et Voynich est tombé sur ce bouquin, petit bouquin, sans titre, sans nom d'auteur, avec des gravures très bizarres, évoquant des espèces végétales, mais tarabiscotées. On ne peut pas rapprocher ça de véritables végétaux. Des figures aussi d'animaux, des lézards, des dragons, mais aussi des femmes qui prennent des bains. Enfin, un cocktail un peu bizarre. Et le tout avec un texte absolument indéchiffrable, 30 000 mots, écrit avec un vocabulaire, un alphabet latin, grec, hébreu, mais aussi des caractères inventés, des symboles inventés, qu'il faut toujours décrypter. Et pour la première fois, Antoine Casanova propose une explication, une traduction, alors non pas pour la totalité du Voynich, qui fait quand même 234 pages, donc il y a encore du pain sur la planche, mais pour une page qui est l'appendice de ce document, c'est-à-dire une sorte de petit texte dont on sait qu'il est postérieur au Voynich, mais qui a été écrit avec un système de code qui apparaît de toute évidence être celui du fameux manuscrit. Donc ça veut dire par quelqu'un qui avait la maîtrise de ce texte. On a longtemps pensé que cet appendice c'était la clé de déchiffrement du Voynich, et Antoine Casanova propose une lecture. Alors, pour ce qui concerne Voynich, c'est pas le premier à le faire, hein. C'est pas le premier à proposer une interprétation, mais c'est souvent assez contesté. Sur quoi se fondent, hein, les travaux de Casanova pour cette écriture? Parce que l'une des questions, c'est de savoir en quelle langue, quelle est la langue qui est écrite dans ces mystérieux signes, dans cette mystérieux alphabet qu'on n'arrive pas à décrypter. Est-ce que c'est de l'hébreu? Est-ce que c'est du latin? On n'arrive pas à trouver la langue derrière. Alors voilà, aucune, mon général, apparemment. C'est plutôt, on pensait à des langues inventées. Ce que propose Casanova, c'est plutôt que c'est écrit dans une sorte de dérivé du latin médiéval, mais utilisant beaucoup d'acronymes. C'est-à-dire qu'il a identifié, il y avait des expressions qui étaient considérées comme étant des mots et qui se révèlent être des acronymes comme SPQR, comme SNCF ou LASER finalement, mais des acronymes peu usités. Donc il a fallu les décrypter. Et c'est en se rendant compte, par exemple, de la forte occurrence de la lettre O, qui était vraiment omniprésente dans ce texte, que Casanova a identifié à un moment un mot qui est Ola Dabas, et dont il propose qu'il est la contraction de trois mots, Ola Dabas, qui viendrait en fait de Omnis Litera Dabas, qui peut être traduit de la façon suivante, toute littérature tu confias. Et à partir de cette clé, il est arrivé à détricoter toute une partie de cet appendice pour en proposer une traduction. Alors une traduction qui, d'un point de vue littéral, reste quand même, il faut le dire, absolument un peu cryptique, oui, c'est ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faut quand même un passeur comme Antoine Casanova pour essayer de donner à comprendre ce que c'est. En tout cas, ça laisse à penser que le Voynich pourrait être une sorte de, j'ai presque envie de dire, de guide de développement personnel de l'époque. De coaching. Pour atteindre à une forme de d'épure, de perfection, des conseils philosophiques, mais même également aussi médicaux. Ça pourrait être ça. Alors effectivement, il n'est pas le premier à proposer une traduction du Voynich. On a dit que Voynich lui-même l'avait acheté en 1912. Il a essayé pendant, je crois que après l'achat du livre, il lui a resté une vingtaine d'années à vivre. Il les a consacrés à essayer de traduire ce livre. Il n'y est pas arrivé. Un Américain du nom de William Newbold, en 21, avait proposé, lui, une explication. Il pensait que les dessins étaient une représentation d'ovules, d'ovaires et de spermatozoïdes. Alors, on est vraiment loin du développement personnel. Enfin, je ne sais pas. Quoique. Et en tout cas, Newbold a été aussi a eu un rôle déterminant parce qu'il a fait faire, parce qu'il y en a qu'un de Voynich. Aujourd'hui, il est à l'université d'Yale. C'est un vieux bouquin. On peut pas se le passer. Les facsimilés qui ont été produits par une maison d'édition pour la modique somme de $8,000. Je crois que vous pouvez vous procurer un facsimilé du Voynich. Voilà. Alors c'est vrai que le prix fait rigoler. Après, ce que me disait Casanova, par exemple, c'est que c'est quand même une très belle initiative parce que, évidemment, il y aura peut-être quelques collectionneurs fortunés qui pourront se l'offrir, mais en tout cas, ça vise plutôt un public d'université, de bibliothèque. Enfin, de toute façon, ça permettra quand même de donner la matière première du Voynich à davantage de personnes qui pourront collectivement proposer des possibilités de traduction. Il y a effectivement plusieurs hypothèses. Il y a une autre hypothèse qui pensait que c'était un traité de médecine. Il y a des hypothèses qui disent qu'on retrouve dans le Voynich des listes de plantes que l'on retrouve dans un autre traité très connu qui s'appelle Herbarium Apuleius Platonicus. La question, Olivier, c'est: est-ce que c'est une nouvelle interprétation qui va s'ajouter aux autres, ou est-ce qu'on peut penser, grâce aux travaux de Casanova, qu'on va enfin réussir à trancher et à apporter une solution à cette énigme millénaire? Alors, les mois qui viennent devraient peut-être nous permettre de le dire, parce que Casanova fait partie d'une association qui s'appelle l'ARCSI, qui est une association de personnes qui sont passionnées de cryptologie et qui propose quantité, parce qu'il n'y a pas que le Voynich finalement. Et elle a une publication annuelle. Elle vient de sortir avec un texte, c'est comme une publi première. Enfin, et là, Casanova, il propose cette explication dans cette revue qui est nationale, mais qui est lue partout dans le monde, et qui va forcément déclencher des commentaires et des appréciations de la part des autres personnes qui sont passionnées par le sujet. Allez, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Un petit tour de table rapidement pour savoir s'il y a une autre information que nous n'avons pas traitée, qui vous semble importante à signaler à nos auditeurs, Blaise Mao. Bah écoutez, il y a un très chouette festival la semaine prochaine à la Gaîté Lyrique qui s'appelle Sors de ce corps, autour de la réalité virtuelle, et où il va y avoir pas mal de pièces et de happening autour de comment on sort par des expériences numériques de notre corps. Donc ça, je pense que c'est intéressant à tester et à suivre. C'est la Gaîté Lyrique à Paris, on vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Loïc Mangin. Donc moi, je vous invite également à sortir le 2 et 3 février, aller à la Cité Internationale des Arts, donc c'est près de la Seine au niveau du métro pour Paris, pour un événement art et sciences qui s'appelle « Nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être ». Il s'agit de passer 36 heures avec des chercheurs, des artistes pour réfléchir au monde de demain. Super, pareil, on va vous mettre le lien vers cet événement sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Olivier. Alors dans les 8 à 10 jours qui viennent, il faut avoir l'œil vers Cap Canaveral, parce que encore une fois Elon Musk fait parler de lui, mais pour une bonne raison, puisque son Falcon Heavy, qui est une fusée aux dimensions absolument extraordinaires, eh bien, devrait être lancé. La mise à feu statique, c'est-à-dire elle n'a pas bougé du sol, mais ils ont testé les moteurs, les 27 moteurs, a marché il y a 48 heures. Donc Musk a dit qu'ils allaient la tirer pour de vrai dans une semaine. C'est la fameuse fusée qui transporte en son sein la voiture qui sera envoyée vers Mars. Tesla, avec en passant du Space Oddity de David Bowie, on en parlait mardi, ici même, dans cette émission. On va vous mettre le lien vers le podcast consacré à SpaceX, le lien également vers le podcast que nous consacrions au manuscrit de Voynich, si vous voulez avoir plus de détails sur cet énigmatique manuscrit. Merci beaucoup à tous les trois. Olivier Lascar, une de Science et Vie, de Science et Avenir, pardon, je vais me faire taper dessus, moi. Science et Avenir. Virus, attaque informatique, comment se protéger? Voilà, prenez des petits anxiolytiques avec ces pendules en kiosque. Loïc Mangin pour la science, donc le numéro spécial consacré au Big Data. Voilà, et le mensuel, une enquête sur la matière noire en une. Et Blaise Mao dans Ouzbek Erika. Nouveau numéro le 3 février sur religion et transhumanisme, comment le transhumanisme vient concurrencer les religions sur le marché de la vie éternelle. Merci beaucoup à tous les trois, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Clément Daté à la technique aujourd'hui. Dans un instant, le magazine de la rédaction Qatar sous blocus, le sursaut de la production nationale par Nabila Amen, la dismoudre, le grain à moudre et la dispute de 18h20 à 20h par Hervé Gardette et Arnaud Laporte en direct du Bel Air à la Maison de la Radio. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons épidémiologie de la grippe. Mardi, nous recevrons l'astronaute américain Scott Kelly qui a passé un an dans l'ISS. Mercredi, nous rêverons à un monde sans plastique. Jeudi, ce sera l'histoire du loup. Et vendredi, fiction, hommage à la grande auteure de science-fiction et de fantasy, Ursula Le Guin, qui nous a quittés cette semaine. Rendez-vous lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.